Mathilde, bonjour. Bonjour Véronique. L'AFRELOS, Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Eh bien, j'ai bien dit. Ça y est, c'est parfait. Au bout de 4 mois, ça rentre. C'est formidable. C'est parfait. Donc avec vous, on va à la rencontre de chercheurs qui participent et qui sont membres de l'association L'AFRELOS. Exactement. Donc pour ce mois-ci, cette moitié du mois de février, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Boulaire. Bonjour. Bonjour Cécile, qui est maître de conférence en littérature française à l'université François Rabelais de Tours et qui est spécialiste de littérature pour la jeunesse. Alors vous enseignez la littérature de jeunesse à des étudiants en licence de lettres, je crois, et en des étudiants de master à l'université de Tours. Alors voilà pour la partie enseignement, puisque donc vous êtes enseignante, chercheure, je ne sais jamais trop comment on met le féminin pour chercheur. Et puis pour la partie recherche, notamment vous coordonnez un projet ANR, comme on dit, donc financé par l'Agence nationale de la recherche. Le projet qu'on appelle entre nous le projet MAM, vous allez nous en dire un petit peu plus. Et puis, vous travaillez en parallèle aussi sur l'histoire et l'esthétique de l'album pour enfants en France. Et puis, donc, je précise que vous êtes secrétaire de l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Et qu'aussi, dans le cadre de l'AFRELOS, vous avez créé la revue Strenae, qui est la première revue scientifique et universitaire en ligne. Totalement ouverte, libre d'accès, gratuite, consacrée à la culture et à la littérature d'enfance. J'aimerais tout d'abord que vous présentiez ce projet de recherche MAM, c'est-à-dire, je le développe, la maison MAM à Tours, 1796-1975, 2 siècles d'édition pour la jeunesse. Alors, c'est un projet qui est né il y a un petit peu plus de 3 ans. Lorsque l'Agence nationale pour la recherche a commencé à financer des programmes de recherche en lettres et en sciences humaines, ce qui n'était pas une habitude à l'université. Il y avait des financements pour des programmes de recherche scientifique ou de sciences appliquées, mais très peu de financements pour des programmes littéraires. Donc c'est une agence, juste pour le rappeler, qui est une agence nationale. C'est une agence nationale qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. En parallèle au CNRS, c'est-à-dire le CNRS finance des programmes très pérennes, des équipes sur le long terme. L'Agence nationale finance, au contraire, des programmes très courts, de 3 ou 4 années, sur des équipes qui se constituent autour d'un objet, mais qui n'ont pas forcément vocation à durer. Voilà. Et c'est effectivement assez rare d'en avoir pour les sciences humaines et pour la littérature en particulier. Voilà, c'était rare pour les sciences humaines, c'était rare pour la littérature au sein des sciences humaines. Mmh. Évidemment, pour la littérature, pour la jeunesse, c'était un peu un défi. Quand on a su que ces programmes existaient, c'était un petit peu une plaisanterie entre nous au sein de l'association. Est-ce qu'il y avait un sujet sur lequel on aurait pu se fédérer pour travailler tous ensemble, sachant que la tradition en lettres, ce n'est pas tellement le travail d'équipe. On est plutôt des chercheurs individuels, parfois individualistes. Mais il y avait un sujet qui pouvait vraiment donner matière à un travail d'équipe parce qu'il était infaisable par un chercheur tout seul. C'était l'étude de la maison MAM. Alors la maison MAM, c'est une très importante maison d'édition religieuse et pour la jeunesse, qui s'est installée à Tours à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'est spécialisée dans le livre pour enfants dans les années 1830. Et son étude approfondie n'avait jamais été faite pour une raison très très simple. Elle a totalement brûlé en 1940, juste avant l'armistice, et on n'avait absolument pas d'accès aux archives. La maison était réputée sans archives. On a fini par découvrir qu'il y avait au contraire une très grande abondance d'archives, ce qui fait qu'on n'aura sans doute pas tout exploité. Mais on s'est réunis autour de ce sujet en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. On a monté un projet, un échéancier, des pistes de recherche qu'on pouvait aller explorer ensemble. À ma grande surprise, le projet a été validé par l'Agence nationale pour la recherche et en janvier 2008, nous avons commencé à travailler. Et le programme arrive maintenant à son terme. On est loin d'avoir trouvé tout ce qu'on avait prévu de rechercher, mais je crois qu'on peut être assez content des quelques trouvailles qu'on a pu faire. Vous nous avez dit à juste titre qu'effectivement, en littérature, on est assez peu habitué à travailler en équipe. C'est une équipe de combien de personnes à peu près ? Au lancement du projet, nous étions 8, des littéraires, des historiens de l'édition pour la jeunesse et une historienne d'art. Le projet a vite réuni un peu plus de chercheurs, notamment à Tours, puisque le projet était basé à Tours puisque moi je suis titulaire de l'université de Tours et parce que les archives étaient à Tours. Et des chercheurs membres du département d'histoire nous ont rejoints assez rapidement parce que la maison MAM était intéressante pour eux aussi sous l'angle de l'histoire locale, de l'histoire économique, de l'histoire sociale. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, lorsque j'envoie un courrier concernant nos travaux, on est plutôt une vingtaine de destinataires, même si certains ne sont investis dans le projet que pour une partie très minime et ne nous ont pas suivis tout au long des 3 années. Donc une équipe qui rassemble essentiellement des littéraires, des historiens. Et quelques historiens d'art. Quelques historiens d'art, d'accord. Et alors c'était un choix délibéré dès le départ, ça vous nous l'avez dit. Il y a une équipe, comme on aime à le dire à l'université, pluridisciplinaire. Ça fait toujours très bien dans notre milieu. Comment est-ce que ça s'est développé? Est-ce que c'est plutôt des littéraires qui ont rejoint le projet? Est-ce que c'est la dimension historique qui l'a emporté? Est-ce qu'il y a un équilibre s'est créé ou comment? Alors l'équilibre comment ça s'est fait est très difficile à maintenir dans une équipe pluridisciplinaire. De toute façon, dans une équipe, je pense qu'un équilibre est toujours instable. Il faut le renégocier en permanence. Nous avons pu avoir à certains moments le sentiment, en effet, que du fait de l'accroissement de l'équipe, la dimension historique prenait le pas peut-être sur les études littéraires, tout simplement parce que, dans un premier temps, nous avions eu besoin d'avoir quelques certitudes historiques sur les étapes de constitution de la maison, sur la manière dont les capitaux étaient arrivés, la manière dont les bâtiments s'étaient construits. Ces certitudes nous étaient nécessaires pour avancer des interprétations sur les livres qui étaient produits et sur leur dimension littéraire, éventuellement poétique et esthétique sur le plan des images. Ce qui fait qu'à mi-projet, certains dans l'équipe se sont un petit peu insurgés contre la domination des historiens, en disant qu'il n'y avait pas de savoir absolument positif, et puis d'un autre côté des interprétations qui seraient farfelues de la part des littéraires, mais que finalement on devait rester à parts égales dans le projet et dans la conduite du projet. Et c'est vrai que ce rééquilibrage a été très fécond. Il nous a permis aussi peut-être de nous réaffirmer, nous littéraires, par rapport à des historiens qui travaillent sur des sources plus factuelles. Ils peuvent dire, mais ça c'est la vérité, je l'ai vu dans les archives notariales. Pour nous, c'est toujours plus délicat. Il a fallu donc que nous apprenions à nous connaître, nous apprenions à respecter les méthodes des uns et des autres, savoir sur quoi chacun était habilité à travailler, savoir aussi qu'il était très riche de travailler ensemble, historiens et littéraires, mais que les historiens devaient rester dans leur domaine, c'est-à-dire faire de l'histoire, et que quand ils faisaient de la littérature, ça ne nous convenait pas. Et de la même façon que nous avions beau pouvoir, grâce à eux, consulter des documents de nature historique, nous n'étions pas du tout habilités à les interpréter, parce que nous n'avions pas ni les méthodes, ni l'arrière-pays, pour bien les comprendre, bien les mettre en perspective. Donc ça a été très très riche de travailler ensemble, autour de ce même objet, mais chacun avec ses documents, chacun avec ses méthodes, et puis chacun avec ses domaines. Vous nous avez dit que la maison MAM est une maison d'édition qui s'est installée à Tours à la fin du XVIIIe siècle. Vous travaillez à Tours, mais outre cette rencontre, pourquoi avoir choisi cet éditeur parmi tous les autres éditeurs, notamment pour la jeunesse, du XIXe siècle? Parce que MAM n'est pas le seul éditeur catholique du XIXe siècle pour la jeunesse. Il n'est pas le seul, il est le plus important. La maison MAM est la maison la plus colossale du XIXe siècle pour ce qui est de la production de livres. On pense qu'elle est probablement l'une des plus grosses imprimeries d'Europe au milieu du XIXe siècle. Alfred MAM a mis en place un système d'industrialisation de la production de livres. Son objectif était de produire le livre depuis le papier, puisqu'il avait acheté une papeterie, jusqu'à l'objet de librairie, en passant par toutes les étapes de l'impression, de la reliure et du cartonnage. Donc c'était l'un des objectifs, travailler sur la plus grosse maison d'édition probablement d'Europe. C'était par ailleurs une maison d'édition très importante dans le domaine du livre pour enfants, en termes numériques. Elle est beaucoup moins importante, on va dire, en termes d'histoire des formes, parce qu'aujourd'hui, nous considérons que des éditeurs comme Hachette, qui a fait émerger la Comtesse de Ségur, ou bien Hetzel, qui a fait connaître Jules Verne, sont vraiment les grands ancêtres de la littérature jeunesse d'aujourd'hui. En réalité, les enfants au XIXe siècle lisaient plutôt des livres de chez MAM, tout simplement parce qu'ils étaient tirés à des millions d'exemplaires, et parce qu'ils étaient distribués dans les écoles, qui jusqu'à Jules Ferry n'étaient pas laïques. Ils étaient distribués en livres de prix, en récompense au cours de l'année. Ils étaient utilisés aussi dans les bibliothèques et dans la pratique scolaire sous la forme de manuels. Donc c'était une maison d'édition d'une importance considérable sur le plan numérique. Alors ce qui veut dire, si je comprends bien, que nous quand on pense littérature de jeunesse 19e siècle, ou comme on dit parfois l'âge d'or de la littérature de jeunesse dans la deuxième moitié du 19e siècle, effectivement on pense Hachette, Comtesse de Ségur, Jules Verne, Hetzel, etc. Mais que donc cette image que nous avons aujourd'hui est peut-être un peu déformée, voire... pas tout à fait proche de la vérité. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que votre projet consiste aussi à reconstituer une histoire culturelle de l'enfance et un paysage culturel et littéraire qui avait les enfants, qui n'est peut-être pas celui que nous avons en tête aujourd'hui. C'était exactement le projet. On sait très bien que l'histoire sélectionne les auteurs dont on va imaginer qu'ils sont nos ancêtres, qui sont les auteurs importants du temps passé. En réalité, il y a toujours une grande disproportion entre les chiffres réels de vente des livres, de tirage des livres à une époque, et puis les noms qu'on va retenir pour la postérité. La maison MAM est complètement oubliée aujourd'hui, les auteurs qu'elle a portés sont complètement oubliés, et ce qui nous intéressait, c'était d'aller les voir, d'aller les lire, de savoir qui ils étaient, comment ils avaient évolué dans leur pratique d'écriture, pour savoir si finalement il y avait parmi eux d'illustres auteurs injustement méconnus, ou au contraire si Hetzel avait raison lorsqu'à la fin du siècle il dit qu'il veut faire lui des livres vraiment plaisants pour les enfants et qui tranchent sur la triste tisane qu'on leur servait auparavant. Alors, en avez-vous trouvé de ces auteurs, des illustres inconnus Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce à quoi on est arrivé dans cette troisième année, c'est à réfléchir à une forme de théorie littéraire, de ce qu'est un livre pour enfants chez un éditeur catholique au XIXe siècle. Il n'y a pas que MAM. On peut citer Le Fort à Lille, Barbou à Limoges, qui est un concurrent très très important pour Alfred MAM, ou bien encore Mégare à Rouen, que notre collègue Michel Manson a bien étudié. Dans l'ensemble, cette littérature naît dans un contexte très défensif. On peut le qualifier vraiment de réactionnaire, c'est-à-dire que c'est un contexte idéologique de réaction aux événements révolutionnaires. Et il s'agit, lorsque naît la bibliothèque de la jeunesse chrétienne, de construire une espèce de digue contre le déferlement des romans et des romans feuilletons qui vont inonder la France dans ces années où la presse se développe de manière considérable. Donc cette littérature est construite contre la littérature de masse, contre le roman feuilleton. Donc là, on se situe dans les années 1830, 1840 à peu près. La première collection pour enfants des éditions MAM, c'est la Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne. Elle est créée en 1836. Et entre 1836 et 1845, c'est-à-dire sur une petite dizaine d'années, Alfred MAM va créer des collections presque chaque année pour couvrir à peu près toute la clientèle possible. Aujourd'hui, on dirait qu'il a segmenté sa clientèle. Il fait des livres pour les tout-petits, des livres pour les plus grands, des livres qui vont être étudiés en classe, des livres qui vont être donnés au cours de l'année en récompense, des livres qui vont être offerts en remise des prix à la fin du mois d'août. Et il a comme ça très très bien pris conscience de la nature de son public, de sa clientèle. Et qu'est-ce qui fait que cet éditeur est quand même plus tellement connu aujourd'hui? Je pense que le nom de MAM ne dit plus grand-chose à un jeune lecteur ou même à des parents, alors que ça n'était pas le cas en 1860 ou 70, par exemple. Cette littérature est devenue illisible. Elle est illisible parce qu'elle ne correspond plus du tout à ce que nous imaginons sous le terme de littérature. Ce que ne voulaient pas les promoteurs de la Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne, je précise que cette bibliothèque était publiée avec l'approbation de l'archevêque de Tours, et toutes les collections sont publiées avec l'approbation d'un évêque ou d'un archevêque. Et dans la plupart des textes, on met bien que le texte a été revu par une société d'ecclésiastique. Et ce que ces sociétés d'ecclésiastique ne voulaient pas, c'était du romanesque. Donc pas d'aventure, pas de péril, pas d'émotions fortes, pas d'amour, pas de représentation du bal, pas de représentation des spectacles, pas de travestissement et pas de mensonges. Donc là, on imagine bien que la plupart des possibles romanesques sont évacués et qu'il ne reste dans ces récits que des trames inféodées à la morale chrétienne qui aujourd'hui nous semblent extrêmement fades. Ce sont des romans, des récits qui manquent de péripéties, qui manquent de saveur. Donc ce sont des manuels de savoir-vivre? Pas du tout, ce sont vraiment des récits de fiction, mais qui sont orientés dans un sens très manichéen. C'est-à-dire que le personnage ou les personnages sont portés soit au bien, soit au mal. On les voit connaître finalement les conséquences de leurs actions, qui peuvent être terribles d'ailleurs. Hein, dans un petit récit, un garçon qui est désobéissant va provoquer une abominable mutilation de son domestique. Et pour le punir, son père lui infligera comme charge d'avoir toujours ce domestique amputé d'un bras auprès de lui, pour qu'il se souvienne de ce que c'est que d'être un peu dissipé. Et ce sera tellement terrible comme châtiment qu'il en deviendra fou et qu'il passera sa vie à hurler accompagné de son nègre mutilé. Donc ce sont des histoires qui peuvent être parfois extrêmement, extrêmement dures et peut-être même choquantes pour nous. Mais ce qui manque pour nous, c'est la péripétie, c'est l'intérêt romanesque, le mystère, l'aventure. Mais est-ce que c'est un éditeur dont on pourrait dire qu'il n'a pas réussi sa conversion vers la laïcité ou vers la modernité, enfin, C'est tout à fait voilà. Ça. C'est tout à fait ça. L'âge d'or des éditions MAM, c'est vraiment le milieu du 19e siècle. À partir du moment où se structure une édition parisienne libérale, comme la Bibliothèque Rose, par exemple, ou comme le Magasin d'éducation et de récréation, c'est une concurrence terrible pour la maison MAM. Mais le coup fatal sera porté par les lois Ferry, qui vont, en laïcisant l'enseignement élémentaire, priver MAM de sa clientèle principale, qui est les écoles chrétiennes, les écoles tenues par des congrégations. Le deuxième moment tragique, ce sera l'exil des congrégations en 1902, puisque là, la clientèle s'en va. Et puis la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sera aussi un coup terrible pour la deuxième niche, on va dire, des éditions MAM, qui est le livre religieux. Et quand est-ce que cette maison va fermer définitivement ? Alors, c'est un petit peu difficile à dire. Nous avons choisi d'arrêter notre programme de recherche en 1975, c'est-à-dire le moment où la famille MAM cesse d'être associée à l'imprimerie MAM. Mais aujourd'hui, il existe encore une imprimerie MAM à Tours, qui est encore en activité, qui connaît une activité économique brûlante, puisqu'elle est en difficulté depuis quelques mois. Il existe toujours une maison d'édition qui porte le nom de MAM, qui est associée à Fleurus, me semble-t-il. Mais ce sont des structures économiques qui sont totalement détachées de la famille MAM. La famille MAM possède l'entreprise depuis 1796, jusqu'en 1975. Donc ce sont les bornes que nous avons choisies pour notre programme de recherche. Donc c'est une entreprise familiale, comme on peut l'imaginer pour le 19e siècle. Et c'est une famille qui, j'imagine, a des descendants. C'est une famille qui a des descendants, qui a des descendants nombreux. Alfred Mam, donc celui qui donne véritablement son nom à la maison et qui lui donne une ampleur internationale, est déjà le troisième représentant. Son grand-père était déjà un imprimeur-éditeur important. Son père s'installe à Tours, mais c'est lui, à la troisième génération, qui va devenir un grand capitaine d'industrie du 19e siècle. Il va associer son fils, puis ses petits-fils, et ainsi de suite. Et au moment où l'usine est détruite pendant la guerre, c'est un de ses descendants, qui s'appelle lui aussi Alfred Mam, qui détient l'entreprise et qui va subir ce terrible dommage de guerre et qui va ensuite se battre jusqu'à la fin des années 60 pour que l'État restitue la totalité des sommes liées à la reconstruction et pour qu'une nouvelle usine soit construite, qu'une production redémarre et que la maison MAM puisse perdurer. Et est-ce que la famille MAM, enfin ses représentants actuels, les membres de la famille, se sont intéressés à ce projet de recherche ? Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Alfred Mam, le junior, et Caroline Mam, qui nous ont reçus de manière très courtoise et qui nous ont apporté l'aide qu'ils pouvaient nous fournir, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'archives liées à l'entreprise. Je pense que lorsqu'on est le descendant d'une pesante lignée d'éditeurs, il y a sans doute un moment où on a envie de faire autre chose. Nous avons pu rencontrer d'autres descendants qui tous nous ont apporté des éléments du vaste puzzle auquel nous nous étions attelés. Donc vous disiez tout à l'heure que toutes les archives avaient brûlé. Toute l'entreprise a brûlé. Donc là, vous venez de dire que vous avez rencontré des descendants ou en tout cas des collaborateurs qui ont pu fournir des archives. Mais dans l'ensemble, elles viennent d'où, toutes les archives sur lesquelles vous avez travaillé ? Ce sont des archives publiques, c'est-à-dire des archives notariales. Puisqu'à chaque fois qu'un acte impliquant l'entreprise a dû être dressé, il a été déposé chez le notaire de la famille. Ces archives notariales sont aux archives départementales de Tours. Nous avons aussi travaillé sur les archives du tribunal de commerce, qui doublait une partie de ces archives notariales, mais nous donnait d'autres types d'informations. Par ailleurs, un des clients privilégiés de la Maison Mam, c'est la congrégation des Frères des écoles chrétiennes, qui avait des cartons entiers de correspondance commerciale, qui d'ailleurs faisait état parfois de conflits sur la qualité de la ficelle qu'on utilisait pour ficeler les caisses d'envoi de manuels. Nous avons pu récemment, à partir du mois de novembre dernier, consulter aussi une très importante quantité d'archives liées à la destruction de la ville de Tours et aux dommages de guerre et à la reconstruction. Des archives qui ne nous étaient pas disponibles au début du projet, parce que tout simplement, elles venaient d'être versées par la préfecture aux archives départementales, elles n'étaient pas triées. Donc on nous les a triées en priorité pour que nous puissions en bénéficier. C'est un projet, vous nous l'avez dit, qui a commencé en 2008, début de l'année 2008, je crois. Alors maintenant, au bout de 3 ans plus tard, où en êtes-vous, où en est ce projet? Puisque, comme vous l'avez dit, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, finance des projets qui durent à peu près 3 ou 4 ans. Donc j'imagine qu'on est à peu près à la fin du financement. Alors en théorie, on est à la fin. Bien sûr, comme toujours, les chercheurs disent « Ah, mais on a encore plein de choses à voir ». Mais nous allons célébrer dignement la fin de ces 3 années de recherche par différentes manifestations culturelles et scientifiques. On peut peut-être parler d'abord de l'exposition. Une grande exposition va être organisée au château de Tours par la bibliothèque municipale de Tours en collaboration avec l'équipe du projet MAM. Elle commencera le 18 mars, elle durera jusqu'au 30 avril. Elle occupe tout un étage du château de Tours. On peut voir à un autre étage les collections du musée du Jeu de Paume, je crois, qui sont en dépôt pour quelques années à Tours. Donc c'est vraiment l'occasion de venir faire un court séjour à Tours pour découvrir ces deux séries de collections. L'objectif, c'est vraiment de faire de rendre au public tourangeau, de manière visuelle, si possible spectaculaire, le résultat de nos recherches, leur faire partager nos découvertes, leur montrer aussi les trésors qui sont conservés à la bibliothèque municipale de Tours, et puis faire émerger quelques pièces que nous avons réussi à exhumer, qu'on a bien voulu nous prêter ou mettre à notre disposition, et qui vont reconstituer une très jolie image de 200 ans de production de livres pour enfants et puis de livres religieux dans la ville de Tours. Alors comment valorise-t-on justement des travaux de recherche qui peuvent paraître un petit peu obscurs ou d'avoir le nez dans des archives ou dans des auteurs totalement inconnus? Comment le valorise-t-on justement pour le grand public Alors ça peut prendre plusieurs formes. Nous avons choisi de tenir le colloque final de notre programme de recherche, non pas à l'université qui est souvent perçue comme une espèce de forteresse inexpugnable, mais à l'hôtel de ville de Tours qui, pour l'occasion, veut bien nous accueillir. Parce qu'il me semblait que c'était important de rendre au Tourangeau cette histoire locale, pour une raison toute bête par exemple. L'usine MAM occupait un énorme pâté de maison au cœur même de la ville, là où il y a aujourd'hui les principales rues commerçantes. Elle a été totalement détruite, elle a donc été rasée après la guerre, on a reconstruit d'autres pâtés de maison, on a tracé d'autres rues. Il n'y a plus aucun souvenir de l'existence de ce plus gros employeur de la ville au XIXe siècle. Pas une plaque, pas un nom de rue, rien du tout. Pas un nom de rue dans Tours, il n'y a aucune rue qui porte le nom. Aucune rue dans Tours. Il reste là, juste faut faire un appel. Il reste une cité ouvrière qui a été fondée par Alfred Mam lui-même, un petit peu à l'écart de son entreprise, ce qui explique qu'elle n'est pas disparue. Dans les années 1860, il a souhaité créer des logements sociaux pour ses employés, pour ses ouvriers typographes. Et cette petite cité ouvrière, un peu fermée sur elle-même, porte le nom d'Alfred Mam. Elle s'appelle donc cité Alfred Mam. Mais sur le lieu même de la production, il ne reste plus rien, plus une trace bien sûr, puisque la ville a été totalement reconstruite, mais même pas un petit souvenir. Donc organiser ce colloque et l'ouvrir largement à tous, en le faisant à la mairie, c'est-à-dire dans la maison commune, c'était une manière pour nous de dire, voilà, l'argent de l'État, qui nous est arrivé par l'Agence nationale de la recherche, il sert à ce que des chercheurs vous rendent à vous votre patrimoine, votre histoire, et on va essayer de s'exprimer de la manière la plus claire, la plus plaisante possible. Pour l'exposition elle-même, vous nous avez dit on va présenter des belles pièces, des trésors, des choses qu'on a bien voulu nous prêter. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir déjà un petit peu plus maintenant sur ce qu'on verra? Oh, allez, deux, trois choses. Vous verrez quelques pages du seul livre qui nous soit resté de l'aventure des MAM aux États-Unis. Nous avons envoyé un chercheur à New York qui a fait un petit peu la lumière sur une brève et tumultueuse aventure des frères Mam à New York au tout début du 19e siècle. On pourra peut-être voir un buste d'Alfred Mam qui était installé à un moment dans sa propriété et que nous avons retrouvé assez fortuitement. Nous verrons de nombreuses photos de la construction de la nouvelle usine Mam, notamment la pose des sheds, c'est des espèces de fenêtres de toit qui avaient été imaginées par Jean Prouvé et qui ont fait l'admiration des architectes et apparemment le désarroi des donneurs d'ordre. On pourra voir évidemment beaucoup de très beaux livres, des cartonnages romantiques, de très belles reliures, beaucoup de gravures, beaucoup d'illustrations. Quoi encore, j'ai pas tout en tête. Non, il faut encore laisser les surprises. Cette exposition sera ensuite l'objet d'un catalogue ou... Alors l'exposition sera accompagnée d'un catalogue, un bref catalogue, pour lequel l'ensemble des membres du projet a collaboré. Les textes ont été écrits par notre ancien post-doctorant, qui est maintenant ingénieur d'études, François Fièvre, qui a assuré la coordination de ce catalogue. Par ailleurs, nous allons publier un livre beaucoup plus copieux, peut-être un petit peu plus sérieux et moins plaisant, moins illustré, qui sortira normalement à l'automne et qui fera vraiment le bilan scientifique de ce projet de recherche. Alors justement, sur ce bilan, est-ce qu'il y a eu des différences, y a-t-il eu des différences importantes entre le projet initial, conçu donc vers 2006-2007 à peu près, et cette fin de parcours? Je pense que nous en savons un peu plus sur des auteurs sur lesquels il était de bon ton de rester silencieux. Dire que nous avons fait des découvertes surprenantes, ce serait exagéré, mais nous avons véritablement, il me semble, compris ce qui s'était passé. Il me semble que nous avons rempli notre mission dans le sens où un hiatus est comblé entre ce qu'on savait sur la littérature pour enfants au XVIIIe siècle, le moment de son émergence, et puis ce qu'on savait à partir des grands auteurs et des grands éditeurs de la fin du XIXe. Bien sûr, nous n'avons pas travaillé sur du vide. Francis Marcoing, par exemple, avait considérablement balisé ce terrain par son ouvrage sur la littérature industrielle et la librairie pour la jeunesse au XIXe siècle. Mais en nous attachant de manière quasi obsessionnelle à la maison Mam, à son écurie d'auteur, à ses logiques, à la manière dont elle s'organisait pour la production des images aussi, nous avons une idée beaucoup plus claire de ce que peut être la production industrielle du livre pour enfants à l'âge industriel. La production industrielle, mais surtout ce que lisaient véritablement les enfants. Nous savons maintenant ce que lisaient véritablement les enfants. Et sans doute nous comprenons mieux pourquoi tout d'un coup Jules Verne leur a tant fait plaisir. Parce que Jules Verne, c'était du roman d'aventure dans lequel on n'était pas obsédé par l'idée de contrôler la manière dont l'enfant interpréterait ses lectures. On pouvait se livrer tout d'un coup au pur plaisir de la fiction. Est-ce que ça pose les mêmes problèmes aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs que vous êtes, les uns et les autres, travaillez encore sur des livres qui sont l'iceberg et qui, de ce que lisent les enfants vraiment aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur les Tchoupi de chez Nathan? J'ai travaillé sur Tchoupi. Mais oui, je tends une perche, mais est-ce qu'il y a eu... En fait, au sein de l'association, on est assez soucieux de ne pas privilégier la littérature la plus élitiste, mais d'avoir un angle de vue le plus large possible. J'ai travaillé à la demande de la revue des livres pour enfants et finalement de manière plus approfondie, parce que le sujet m'a intéressée, sur la production d'albums sériels pour essayer d'aller au-delà d'un... Sériels, ça veut dire des albums de séries. Des séries d'albums. J'ai travaillé sur Caroline, sur Émilie et sur Tchoupi. L'idée était de là encore, d'aller vérifier si finalement les préjugés, les certitudes bien installées étaient vérifiées dans les faits, ou si au contraire, il y avait dans les albums publiés en série, comme les albums de Caroline, un petit peu plus à trouver, un petit peu plus à exhumer que ce qu'un regard rapide aurait pu laisser penser. Mais notre collègue Mathieu Letourneux est spécialiste, lui, de la culture de masse, et il rejoint en cela une vaste équipe de chercheurs qui, depuis une grosse vingtaine d'années, travaillent sur la culture de masse au sens large. Donc, vous travaillez aussi sur l'album, juste pour terminer. Vous avez écrit et publié de nombreux articles sur ce sujet. Quels sont, en quelques mots, vos orientations privilégiées sur ce vaste objet? Je suis en fait passionnée par l'image. Depuis le début de mes recherches, l'aventure Mam a été un petit peu une parenthèse, puisque d'abord ça m'a donné l'occasion de coordonné un programme de recherche, ce qui veut dire que j'ai mis un peu en retrait mon métier de chercheur. J'ai été beaucoup manager à un certain moment, ce qui pouvait être frustrant, mais qui m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses. Mon travail porte principalement sur l'album. Et le prochain projet de recherche que je vais mener cette fois seule sera consacré à l'album pour enfants en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je vais commencer par les années 40, les années 50, en examinant la manière dont un afflux d'albums américains, notamment à travers les petits livres d'or, modifie ou ne modifie pas peut-être la manière dont on raconte en images dans les albums français. Très bien, donc encore un vaste, vaste domaine. Encore un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Cécile Boulaire. Et donc, je le rappelle, pour tous ceux que la littérature de jeunesse, peut-être au 19e siècle, intéresse, pour tous les curieux de ce qui se lisait vraiment, ce que les enfants avaient vraiment entre les mains avant et pendant la Comtesse de Ségur. Donc, un colloque final ouvert vraiment à un large public à l'Hôtel de Ville de Tours les 17 et 18 mars prochains, c'est bien ça. Et puis, surtout, si j'ose dire, une grande exposition au Château de Tours organisée par la Bibliothèque municipale de Tours et l'équipe de recherche que vous avez coordonnée, donc du 18 mars au 30 avril. Voilà, on inaugurera l'exposition à la fin du colloque. Voilà, et donc Tours, nous le rappelons, est à peine une heure de Paris et c'est une très belle ville, c'est l'occasion d'aller y faire une petite promenade. Mathilde, vous nous donnez quelques informations de la vie de l'association, de la Frelos ? Oui, alors tout d'abord, pour commencer, une exposition dont vous avez peut-être déjà parlé, mais qui nous a été signalée par l'un de nos collègues, Alain Chiron. Une exposition qui s'intitule « Quand j'étais bébé, 1945-2005, le baby-boom des jouets d'éveil ». Pas du tout, je n'en ai pas parlé. Ah, eh bien, pour une fois. Alors, donc, c'est une exposition qui présente un nombre considérable d'objets et qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles les scientifiques se sont intéressés au développement des enfants au cours du XXe siècle et en particulier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à la fois montrer des objets et puis montrer les recherches sur ces objets, les recherches scientifiques, notamment, par exemple, sur les matériaux dans les années 1950 aux États-Unis, de voir aussi comment les recherches en termes de psychologie de l'enfance et d'éducation ont pu avoir des interactions avec des gammes de jouets qu'on connaît maintenant, comme Play School ou Fisher-Price. Voilà, alors, c'est une exposition qui est au musée du jouet 1 Enclos de l'Abbaye à Poissy, qui était ouverte du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Cette exposition s'accompagne d'un catalogue qui propose diverses classifications pour les jouets, un catalogue assez riche qui coûte 10 euros, on donne toutes les précisions. Oh, c'est pas cher. Voilà, c'est pas très cher. Et qui, comme nous le signale notre collègue Alain Chiron, présente un équilibre harmonieux entre des textes porteurs d'informations intéressantes et une iconographie qui soutient bien les idées portées par l'ouvrage. Donc, voilà. L'exposition jusqu'à quand ? L'exposition, donc, elle a commencé en octobre et elle se termine en juillet, début juillet 2011. Donc on a le temps. Voilà, à Poissy. Donc, toutes les informations sur le site de la ville de Poissy, ville-poissy.fr. Une deuxième information concernant un cycle de conférences au titre vraiment très intéressant, « Les petites filles explosives et autres figures féminines ». Un cycle de conférences proposé par Marie Saint-Dizier à la Bibliothèque municipale de l'Heure Joyeuse et organisé par la petite bibliothèque Ronde de Clamart. Alors, la Bibliothèque municipale de l'Heure Joyeuse, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est au métro Saint-Michel, rue des Prêtres Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement, juste en face de l'église. Et alors, ces conférences, dont le programme se trouve sur le site de notre association, mais aussi sur le site de la petite bibliothèque ronde, donc lapetitebibliothèqueronde.com. Donc un cycle de conférences qui a commencé au début du mois de février, une première intervention sur ces fameuses petites filles explosives que sont, par exemple, Fifi Brin d'Acier, Marceline le Monstre ou encore Julie, qui avait une ombre de garçon. Mais donc, ce cycle n'est pas terminé. Une prochaine conférence aura lieu le samedi 5 mars de 10h à 12h30, donc à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, sur le syndrome de Wendy. Une autre conférence le samedi 2 avril, également de 10h à 12h30, sur une question, vaste question, la difficile amitié des petites filles et celle si facile des garçons, donc autour de livres de jeunesse. Et puis, une exposition, des livres roses pour les filles, point d'interrogation, des livres bleus pour des garçons, point d'interrogation. Une exposition qui a commencé le 8 février dernier. Et puis, une dernière information sur ce cycle de conférences. Le samedi 19 mars, à 15h, aura lieu une conférence par Christian Bruel sur, justement, les filles et les garçons dans les albums pour enfants, avec une rencontre avec les éditrices de la maison d'édition Talent Haut. Voilà, donc un vaste programme pour ces mois de mars et avril. Une dernière information. Oui. Alors, une information pour les jeunes chercheurs qui peut-être nous écoutent, des étudiants en master ou des doctorants, qu'ils soient français ou étrangers, et pour peu qu'ils soient inscrits dans un établissement français de recherche. Eh bien, cette information les concerne s'ils s'intéressent à la littérature de jeunesse. La Bibliothèque nationale de France lance en effet son appel à chercheurs 2011-2012, alors qui ne concerne pas que la littérature de jeunesse, mais qui propose un certain nombre de thématiques liées aux livres pour enfants dans le cadre des collections du Centre national de la littérature pour la jeunesse, plus connu peut-être encore sous le titre de La joie par les livres, qui a désormais depuis quelques temps rejoint la Bibliothèque nationale de France. C'est un appel à projet où une sélection des candidats se fait sur un dossier. Toutes les informations sont sur le site de la BNF. Et cet appel comporte une section spécifiquement consacrée à la littérature pour la jeunesse. Rapidement, je peux peut-être juste préciser. Hein. Si ça crée des, voilà, des vocations. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour des étudiants de master ou des doctorants, puisqu'ils ont la possibilité de travailler sur des collections très, très riches, souvent pas tellement exploitées, et ils obtiennent un statut de chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France, ce qui est très bien dans notre milieu scientifique universitaire. Alors, les thématiques concernées sont les suivantes. Tout d'abord, une thématique sur les cartonnages illustrés de livres pour l'enfance et la jeunesse dans les fonds de la BNF, donc 19e et 20e siècle, sur lesquels il n'existe pas de réelle vue d'ensemble sur ces fonds. Donc ça concerne rien moins que quelques milliers de volumes, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Deuxième thématique, le livre d'images et l'album pour l'enfance et la jeunesse de 1820 à 1920. Donc là encore, un certain nombre de volumes, on va dire, hein, sur ce livre d'images qui se développe massivement à partir du 19e siècle, suite au progrès de l'imprimerie. Il va évoluer petit à petit vers ce qu'on appelle maintenant l'album, alors qu'il soit luxueux ou plus populaire. Enfin voilà, des ouvrages qui sont encore parfois mal connus dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Troisième thématique, les artistes et le livre pour enfants au XXe siècle, entre bibliophilie, intervention artistique et création, donc vraiment la plus sur la question du livre d'artiste et sur la bibliophilie consacrée au livre pour enfants, là encore quelques milliers de titres, hein, bagatelle. Et puis dernière thématique, les livres pour enfants entre 1939 et 1945, dans cette période troublée des années noires, sur lesquels on a peu de recherches spécifiques, hein, sur les livres pour enfants et peu d'études sur ces livres marqués par l'occupation, le régime de Vichy et puis ensuite le contexte de la libération. Alors pour tous les chercheurs, jeunes chercheurs que ces thématiques intéressent et qui voudraient candidater à la Bibliothèque nationale de France, je leur conseille donc d'aller voir plus précisément l'appel à chercheurs sur le site de la BNF et s'ils sont intéressés, d'aller sur le site également du Centre national de la littérature pour la jeunesse, La joie par les livres, le contact étant son directeur, Jacques Vidal-Naquet. Toutes les informations, bien sûr, sont également disponibles sur le site de la FRELOS. Donc, je rappelle l'adresse http://magasindesenfantstattachés.hypothèse.org. Mathilde, merci beaucoup. On vous retrouve le mois prochain avec l'intervention d'un autre chercheur. Oui, alors vers la fin du mois de mars, j'aurai le plaisir de recevoir Anne-Marie Chartier. Donc au mois prochain. Au mois prochain. Merci à vous deux. Merci.